Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de septembre à juin qui va s'intéresser aux conseils de classe et plus particulièrement aux différentes façons de le repenser. Aujourd'hui, j'accueille Juliette Aslandag qui est maman et qui a eu plusieurs enfants qui ont eu des conseils de classe classiques et un enfant qui a vécu des conseils de classe différents. Stéphane Béni, enseignant à l'INSPE de Reims, docteur en sciences de l'éducation, chercheur associé au laboratoire LIRTES et au laboratoire CEREP et spécialiste des pratiques d'évaluation. Vincent Cano, IAIPR-EPS de l'Académie de Versailles. Léa Narang, une élève qui est maintenant en première au lycée, avec des options maths, physique, chimie et H, pardon, GGSP, histoire géo, géopolitique et sciences politiques, et qui a vécu des conseils de classe différents en tant qu'élève et en tant que déléguée de classe. Émilie Martelet, enseignante de SVT, qui travaille dans des classes coopératives et avec des pratiques coopératives dans les autres classes. Et Jeanne Morel, enseignante de lettres classiques, qui a été professeure principale de classes coopératives. Alors, je voulais commencer en vous lisant une citation de Pierre Boumard, parce que ça fait de nombreuses années que le conseil de classe questionne beaucoup. Et en 1997, dans son livre Le conseil de classe, institution et citoyenneté, il écrivait déjà: Le conseil, de façon globale, est censé apporter aide et/ou médiation, mais il est vécu et ressenti massivement par les élèves comme un jugement souvent despotique, toujours sans appel. On constate donc d'emblée une sorte de brouillard entre ce que le conseil est censé être dans l'esprit de ses promoteurs et comment il est ressenti par ceux à qui il s'adresse. Et donc ma première question pour vous, c'est ben, pourquoi modifier le format habituel des conseils de classe? Du coup, d'abord en premier aux enseignants et anciens enseignants, Émilie, Jeanne et Vincent, quels constats vous ont amené à réfléchir à une autre manière de fonctionner en conseil de classe? Émilie? Je vais commencer. Moi, le premier constat qui m'a amené à me dire qu'il fallait faire autrement, c'était la perte de temps que je ressentais quand je sortais des conseils de classe en tant qu'enseignante, après avoir passé une soirée entière à finir à 21h30, 22h et à rentrer chez moi et à me dire, mais qu'est-ce que ça m'a apporté à moi en tant qu'enseignante? Qu'est-ce que ça a apporté aux élèves? Et à partir de là, on a eu avec d'autres collègues la discussion et où ça, c'est vraiment le premier constat, cette perte de temps qu'on avait tous l'impression de ressentir qui nous a amené à nous questionner et à nous dire qu'il fallait chercher une autre façon de fonctionner. Merci. Jade? Je rejoins ce que dit Madame Martelet et j'ajouterais, en plus de cette impression d'inefficacité, le fait que je constatais que les élèves à besoin étaient, lors des conseils de classe, finalement complètement laissés à l'abandon, puisqu'on discutait beaucoup, mais en fait, ça consistait surtout en des constats, voire des plaintes concernant ces élèves-là, mais sans proposer de solution. Et finalement, c'est aussi un peu un sentiment d'inefficacité pour les élèves qui peuvent être très performants, puisqu'on avait tendance, ces élèves-là, à passer très peu de temps sur eux. Et donc, finalement, c'était dans les deux cas assez frustrant. Donc, Vincent? je vous rejoins sur ce constat-là, sans problème. Moi, je dirais que finalement, c'est une convergence de constats. Plutôt le constat d'une convergence d'insatisfaction, à la fois de la part des parents, des enseignants, et puis des enseignants, quand on parle des élèves et d'enseignants, pour l'avis qu'ils peuvent donner, la place qu'ils peuvent prendre dans cette instance-là. Mais aussi en contraste avec finalement l'importance de ce moment-là, de cette instance, parce que il y avait quand même une importance forte dans le discours des enseignants, une importance forte pour les élèves en termes de symbolique. C'était une échéance qui était très souvent utilisée, annoncée. On mobilise des personnels, on mobilise des parents, on mobilise des fédérations de parents. Donc voilà, moi je voudrais rajouter cette dimension finalement paradoxale entre toute l'énergie qu'on va déployer, toute l'attente qu'on va porter et finalement ce ressenti à l'issue et cette sentiment de faible efficacité. Et Juliette, du coup, du côté parents, comment est-ce que c'est perçu les conseils de classe classiques? Comme une punition à chaque fois. Non seulement pour comme le toi, décalage, parent, comme ou pour vous les aviez enfants? dit, un peu les deux, disons que c'est un peu comme un couperet. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Et attention, on va voir, hein. Et si c'est pas, si c'est pas, si t'as pas bien travaillé, bah tu sais, tu connais les pénalités qui t'attendent, tu sais que les parents vont être déçus, enfin les enfants savent qu'ils vont être forcément, ils vont décevoir leurs parents, et ils ont pas, parfois ils font mieux, parfois ils ont été un peu laxistes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est attendu comme un moment fort et c'est pas un moment de plaisir, c'est pas une réunion, une petite mise au point, bon, les maths, j'ai beaucoup travaillé les maths, c'est super. Et puis en histoire géo, j'ai un peu laissé tomber et je vais me faire engueuler par mes parents. Voilà, point, c'est ça. C'est pas, il n'y a pas d'évolution. C'est, ça va pas plus loin, en fait. C'est simplement, je te félicite ou je suis déçu. Et donc, il n'y a pas de. Derrière, il n'y a pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger tes lacunes en histoire géo. Un peu le pendant du constat dont parlait Oui. Jérémy Lévinson. Et toi, Léane, maintenant qu'au lycée, tu vis des conseils de classe classiques, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu n'en as pas connu au collège, je crois. Mais si, j'étais Ah, de la si. 6e à la 5e, j'avais Ah, des oui. conseils de classe classiques. Alors, comment tu les as vécus en 6e, 5e et maintenant au lycée? Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'était vraiment plus attendu comme une sanction, une pression qui était mise par rapport à cette date. De quoi qu'il arrive, on avait fait plus ou moins de travail, et quoi qu'il arrive, il y aurait un jugement qui serait rendu là-dessus, et le fait que la plupart du temps on soit que les délégués et que nous en tant qu'élèves on soit pas présents, ça donne un peu une impression d'une sanction qui va tomber, d'un jugement qui va tomber sur notre travail sans qu'on puisse vraiment en dire un mot. Ah, merci beaucoup. Stéphane, du coup, qu'est-ce qui questionne en termes d'évaluation dans ces conseils de classe habituels? Alors, ben, y a plusieurs éléments, hein. Vous avez tous évoqué plusieurs aspects. Alors, le premier aspect, c'est effectivement la notion de jugement qui apparaît sans qu'une autre fonction soit accolée. Donc, on est sur une fonction de certification où on voit l'ensemble des notes de tout le monde. Et vient se glisser une autre petite fonction qui est enfin, un autre effet qui est un petit peu terrible pour les collègues, c'est le fait de voir est-ce que finalement les notes que j'ai mises dans ma discipline sont conformes à celles que l'élève a dans les autres. Voilà. Et on a ce petit effet de stéréotypie qui se propage et qui va faire en sorte que bah, les collègues vont se dire tiens, finalement, il n'y a pas de surprise, cet élève il est en difficulté dans ma discipline. Et puis, on va le retrouver dans d'autres. Alors, ben, certaines fois, c'était un peu plus complexe que ça, parce que les collègues de PS, notamment, ou d'art plastique, pouvaient avoir un avis totalement divergent. J'ai fait partie des collègues de PS. Donc, on pouvait avoir un avis divergent sur certains élèves, mais c'était souvent quand même assez juste. Alors ça, c'est la première chose. Juliette a précisé une chose également, un des aspects sur lesquels je travaille, c'est la circulation des discours évaluatifs entre la famille et l'école. Et justement, va se jouer énormément de choses également à l'intérieur du conseil de classe, c'est-à-dire est-ce que le travail que j'ai produit en tant qu'élève est conforme aux attentes parentales? Ou est-ce que ça ne va pas être conforme aux attentes, ce qui va me compliquer la tâche à la maison assez souvent. Donc peut-être que à ce moment-là, bah, je vais avoir un certain nombre d'ennuis, peut-être que je vais avoir des travaux supplémentaires à faire. Voilà. Léane nous disait également qu'elle ressentait ça comme du jugement. Alors que dans la littérature, on identifie presque deux éléments qui sont presque opposés, c'est-à-dire un jugement d'une part et une prise de décision d'autre part. Et alors, ce qui m'intéresse dans cet échange-là avec vous, c'est le fait que vous avez remis de la prise de décision dans un moment de jugement. C'est-à-dire à travers les différents conseils de classe qui sont élaborés différemment, il y a des prises de décision. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider un élève en difficulté? Comment est-ce qu'on va pouvoir identifier les points faibles, éventuellement dans une discipline. Mais alors, ici, il faudrait avoir une précision sur des éléments évaluatifs que certaines fois, on n'a pas le temps de donner. Voilà. Et puis, dernier élément peut-être, celui qui est sûrement le plus dur à vivre, pour les élèves qui sont très en réussite, on passe très peu de temps sur leur cas, tandis qu'on met énormément de temps pour les élèves qui sont en difficulté. Alors, ce que tu dis m'amène deux questions pour tout le monde. Alors, peut-être plus pour les professeurs, pour une partie, du côté de est-ce que je suis conforme? Est-ce que mes résultats sont conformes à ceux des autres? Est-ce que vous l'avez vécu, le fait d'avoir une évaluation différente sur un élève en conseil de classe? Et la deuxième, plus générale, c'est les bulletins, la remise ou la réception du bulletin. Est-ce que ça provoque le même ressenti ou les mêmes pensées que le conseil de classe, ou est-ce que c'est différent et en quoi? Émilie? Du coup, je commençais par la remise des bulletins, où donc, en tant que professeur de SVT, j'ai beaucoup de classes, donc beaucoup d'élèves, et j'avais l'impression de faire du speed dating. Bonjour, voici le bulletin de votre élève, enfin de votre enfant. Tout va bien? Bon, bah, merci, au revoir. Bon, ça va pas du tout. Merci, au revoir. Et pas beaucoup plus, en fait. Et c'était quoi la première partie de ta question? Et la première partie, c'est est-ce que, comme Stéphane soulignait la dimension des enseignants en conseil de classe, de dire est-ce que mes résultats, mes moyennes, mes évaluations sont conformes à celles des autres sur les élèves? Est-ce que vous avez déjà été différent en termes d'évaluation sur un élève? Moi, ça arrive régulièrement, du coup, j'ai des élèves qui soient en réussite ou en difficulté en SVT, et que ce soit l'inverse ailleurs. Et alors, moi, je ne le prenais pas comme une forme de jugement par rapport à ce que moi je faisais, mais par contre, il y a eu des fois où des élèves qui étaient en grande difficulté ailleurs, où j'ai dû défendre l'évaluation que moi j'avais faite, hein, que ce soit la note ou l'appréciation. Vis-à-vis de certains collègues en conseil de classe, en expliquant qu'un élève pouvait avoir un comportement, des résultats complètement différents d'une matière à l'autre, sans que ce soit complètement anormal, en fait. Vincent? Moi, je partage le constat plutôt moi d'un effet de consensus qui s'installe parce que au fur et à mesure des années, en multipliant les conseils avec des collègues qu'on connaît, des collègues avec qui on vit, il y a forcément une forme de consensus qui fait une forme de paix sociale qu'on va installer parce que pour plein de collègues, c'est je pense qu'on préfère à un moment donné s'harmoniser. Pour le coup, par rapport à la norme, se mettre à la norme évaluative et finalement se plier à la culture évaluative de l'établissement, c'est quand même plus économique, c'est quand même plus confortable. Donc, à moins d'avoir un engagement professionnel qui va se marquer par une forme de singularité et de chercher à bien à chaque fois défendre une position, défendre une singularité, en contrepartie, c'est quand même assez coûteux. Donc voilà, moi ce que je peux partager, c'est sur peut-être une échelle de 7 années dans un établissement, de voir que année après année, il y a ce phénomène d'uniformisation qui se fait, quoi, parce qu'il vaut mieux quand même appartenir au groupe que de toujours s'en détacher. Merci beaucoup. Juliette, les remises de bulletins, comment l'as-tu vécu? C'est un petit peu la même chose que c'est un petit peu ce que j'avais dit aussi. C'est il y a une re... d'abord il y a une remise à plat. Tout est remis en question. Tout est t'as fait des efforts par exemple pour reprendre mon exemple précédent. T'étais bon en maths et t'avais des problèmes en histoire géo. Alors cette fois-ci comment t'as fait? Est-ce que tu t'es mieux débrouillé? Ça prend du temps. En plus c'est seulement 3 fois dans l'année. Donc, si il a toujours pas fait, l'enfant n'a toujours pas fait d'effort en histoire géo, bah, il restera seulement le troisième trimestre pour encore évoluer ou faire quelque chose. Et à la troisième fois, la fin de l'année arrive et c'est trop tard. Déjà, le deuxième trimestre, c'est trop tard. J'aime l'idée de remise à zéro, de remettre à plat. Qu'est-ce qui où ça glisse, où est-ce que ça coince. On n'en parle pas seulement parents-enfants, parce que les enfants parfois n'aiment pas que les parents soient sur leur dos, t'as travaillé, t'as ce que t'as fait tes devoirs, etc. Le fait qu'il y ait un professeur, ils aiment les conseils des professeurs, les enfants, ils aiment, malgré tout, ils les écoutent. Donc, si on est trois à table et qu'on regarde l'équilibre, l'avancée du travail, si, je pense que si c'est bien fait, c'est beaucoup mieux entendu et l'enfant fera plus d'efforts. Si c'est juste un compte rendu, c'est bien, c'est pas bien, bonne note, mauvaise note, t'as bien travaillé, t'as rien foutu. C'est trop rapide et c'est mal intégré. Léane, j'aimerais savoir ton avis, mais je le vois comme ça. Bah, personnellement, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. À ce travers ça, j'ai toujours trouvé que la remise des bulletins, je trouvais ça plus cohérent et ça nous apportait plus que les conseils parce qu'on avait plus de conseils personnels. Après, ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, au lycée, on n'a qu'une seule remise de bulletin sur le premier trimestre. Donc, ça va nous apporter, mais que sur une durée de temps limitée. L'accompagnement, il n'est pas fait assez longtemps. Et quand tu étais en 6e, 5e, Stéphane parlait du fait qu'on passe peu de temps sur les élèves en réussite, comme tu en étais une, hein, déjà, on va gâcher le suspense. Est-ce que tu l'as vécu comme ça? Est-ce que ça c'était rapide la remise de bulletin? Bah, oui, ça a toujours été rapide. Ça nous donnait une sorte de récompense. On arrivait, on nous disait quelques mots, félicitations, vous avez bien réussi. Et puis après, bah, ça s'arrêtait là. Il y avait rarement de. Enfin, il y avait rarement un bilan, des choses à améliorer. C'est ça qui était dommage. Ok. Et il y avait Émilie, tu voulais intervenir? Mais je voulais juste réagir sur la remise des bulletins où Juliette disait voilà qu'on se met avec l'élève et le professeur. Moi, dans 80% des cas, en fait, sur une remise des bulletins classique, je n'ai que les parents. L'élève n'est pas là et du coup n'assiste pas bah, ni à la remise à plat qu'on peut prendre le temps de faire, ni aux conseils qu'on pourrait avoir l'occasion de donner si on en a le temps. La plupart des temps, en fait, je n'ai que les parents face à moi sur une remise des bulletins classiques. C'est énorme, 80%. Oui. Il y avait Jeanne et après Vincent. Oui, moi, à propos du conseil de classe et le sentiment d'être en décalage avec certains collègues, je dirais que moi, en fait, du plus loin où je remonte dans ma carrière, les conseils de classe ont toujours été quelque chose de douloureux pour moi, très tôt dans ma découverte du métier. J'avais toujours l'impression d'être en décalage et j'avais toujours l'impression que quand je valorisais des éléments pour un élève qui était atypique, ce qui est très facile quand on enseigne une option facultative comme la mienne, parce que c'est des groupes plus petits, c'est des groupes du coup qui permettent de différencier. C'était balayé d'un revers de main et j'avais vraiment le sentiment que il n'y avait pas le temps pour rentrer dans le détail et pour essayer de voir la raison pour laquelle certains élèves pouvaient être en difficulté. Ça, c'est la première chose. Et à propos du bulletin, je dirais deux choses. Je trouve que quand on le remet aux parents, à partir du moment où ils ont le bulletin sous les yeux, nous n'existons plus. Il y a des notes et des appréciations et ils se focalisent là-dessus. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'assister à des parents qui se mettent en colère contre leur enfant parce qu'ils découvrent le bulletin et Il peut y avoir des familles où finalement le suivi des notes ne se fait pas et en fait ils découvrent l'ampleur des dégâts. Et en plus, je trouve que les appréciations de bulletins traditionnels n'éclairent en rien le pourquoi du comment et la plupart du temps ne donnent pas de pistes pour améliorer les choses, ce qui rend finalement la remise du bulletin quelque chose de très culpabilisant pour l'élève et puis de assez infertile pour les parents et même pour nous, parce qu'on donne des conseils, mais quand c'est dans un cadre assez traditionnel, c'est des conseils très généraux. Et en fait, ben, on s'aperçoit que quand il y a trop à faire, l'enfant se décourage et les parents n'attendent que du chiffre. Et donc, ça risque d'être compliqué, comme disait Léane, sur un temps finalement qui est court à chaque fois, le deuxième trimestre. Je m'aperçois que ça passe très vite et que finalement, c'est le moment de l'année où c'est le plus dur pour les élèves. C'est pas toujours facile de faire entendre ça aux parents qui considèrent que ben voilà, les trimestres doivent permettre une évolution. Encore faut-il qu'on donne la possibilité à l'élève d'évoluer. Merci, Vincent. Vous êtes tout à fait d'accord. Alors, vraiment, on a vraiment construit la réflexion sur le conseil de classe à partir de ce moment-là. Déjà, la forme de remise. Si c'est juste pour dire qu'on a remis en main propre dans une approche finalement presque judiciaire, voilà, on vous l'a remis, vous pouvez pas dire que vous saviez pas. La périodisation est très mauvaise. C'est-à-dire, faire le point en décembre, c'est beaucoup trop tard. Dans notre approche, on avait déjà deux bilans avant janvier, au lieu d'attendre le premier en décembre. Et puis la pauvreté en termes d'information du bulletin. Explique aussi un peu qu'on se retrouve un peu de chaque côté de la table, un peu démuni en tant qu'enseignant, professeur principal. D'une part, parce que en effet, je veux dire, la dimension émotionnelle est tellement forte que bah, le parent il peut pas écouter, on peut pas engager un discours. Il faut déjà qu'il accepte et qu'il digère le résultat. Ça, c'est quand même l'effet de la note chiffrée comparative là sur 20 qui quand même qui fait ça. Donc, dans l'idéal, il leur faudrait d'abord donner le résultat pour laisser décanter, pour ensuite que émotionnellement, cognitivement, soit disponible à une discussion. Et puis, bah, la pauvreté des informations, et puis l'illusion un peu de l'expertise du prof principal, parce que ça donne peu d'informations à quasiment à personne. Les murs sont restent quand même très épais entre ce qui se passe en classe et ce qu'on lit dans le bulletin. Donc, on s'en sort sur des discours généraux qui sont en termes de comportement, d'engagement, d'effort, d'incitation, et on reste vraiment à la surface des choses. Merci beaucoup. Et est-ce que vous faites un lien entre les conseils de classe traditionnels et les inégalités? Parce qu'on sait qu'on est assez fort en France pour renforcer les inégalités sociales à l'école. Est-ce que ça joue un rôle, Stéphane? Alors, bah, sur cette question, je peux peut-être donner un éclairage relatif à un certain nombre de travaux actuels. On est quelques collègues à travailler sur ces questions d'expérience un petit peu d'élèves par rapport aux pratiques évaluatives. Et donc, on interroge des élèves très jeunes, hein, de maternelle, d'école élémentaire, de collège, de lycée, même à l'université. Voici un petit peu en suspense, pardon, en substance, ce qu'ils peuvent nous dire à propos de ces pratiques évaluatives. En gros, ils essayent de s'engager à partir du moment où leur effort peut porter des fruits. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que est-ce que je vais vraiment m'engager, je vais faire un effort conséquent sans savoir si l'enseignant qui m'a évalué précédemment et qui m'a mis une mauvaise note est dans la capacité de réévaluer son jugement qu'il a porté sur moi. Donc, je traduis en termes, ce qu'on utilise nous en recherche, c'est en gros l'effet d'étiquetage, il m'a mis une étiquette. Est-ce qu'il est capable de passer outre l'étiquette qu'il m'a mise pour me voir d'un nouvel œil et peut-être voir en moi un élève totalement différent? Voilà. Et c'est la question cruciale que les élèves cherchent à résoudre, à savoir, puisqu'ils décodent hein, les attentes professorales, on a fait pas mal d'enquêtes avec des enfants, des élèves, qui finalement discutent même en cours de récréation des attentes professorales. Alors, ils échangent les informations. Comment il note celui-là, ce prof-là? Est-ce qu'il aime bien ça? Oui, il faut lui mettre ça. Il adore quand tu lui parles de ça. Voilà. Ce sont des informations qui circulent. Alors, je vois Léane qui sourit, donc je pense que ça lui parle. Et les étudiants font la même chose. C'est-à-dire qu'ils choisissent qui va diriger leur mémoire de recherche, non pas parce qu'il y a un intérêt particulier à une thématique, mais parce que tel ou tel enseignant est plutôt sympathique ou qu'il a une façon de noter plus ou moins sympathique. Alors, je ne dis pas que c'est 100%, mais il y a un usage stratégique de l'engagement des élèves. Et donc, à partir du moment où ils sont capables de comprendre et l'enseignant laisse à penser que si tu t'engages avec, comme disait Vincent, c'était tout à fait pertinent, des éléments qui sont autres, bien plus précis que ce qu'on peut dire en conseil de classe, donc des éléments de progression adressés spécifiquement à l'élève, si tu t'engages, je peux voir en toi quelqu'un de nouveau. Tu ne seras plus l'élève que j'ai jugé auparavant. Voilà, là, ça peut marcher. Dans un autre cas, bah, l'élève ne va pas s'engager, puisque finalement, même s'il y a un surcroît de travail, et on l'entend régulièrement, hein, il y a un surcroît de travail, de toute façon, mes résultats scolaires montent un peu, mais ça ne, si vous voulez, ça ne retranscrit pas l'ensemble des efforts que j'ai fournis pour essayer de surmonter mes difficultés. Juliette? Oui, j'ai questionné mon fils, alors j'en ai quatre, hein, faut le dire. C'est l'avant-dernier qui a aujourd'hui 19 ans et qui a terminé le lycée. Je lui ai posé les questions d'Emeline tout à l'heure pour savoir quels souvenirs il en avait et je rebondis là-dessus sur le conseil de classe où il m'expliquait que très souvent, il se mettait des coups de collier, il essayait vraiment de progresser dans une matière pour finalement n'avoir que très peu de points de notes en plus par rapport au précédent. Et il était, et ça lui cassait son moral, ça lui cassait sa motivation. Et il allait voir les profs. C'est pas seulement travailler au bureau et tout d'un coup on devient bon élève. Je pense qu'il y a quand même une logique, un esprit qui est voué à certaines matières. On est bon, on a la logique mathématique ou on l'a pas. Et lui, il m'expliquait que parfois il faisait énormément d'efforts et il se disait, bon, alors c'est bon, là, ce trimestre-là, je vais avoir une bonne moyenne, une bonne note. Et en fait, non, il avait qu'un point ou deux et ça le déprimait pour le trimestre suivant. Donc il se disait, pourquoi je me suis autant cassé la tête? Et les profs, souvent, ne voyaient pas tous les efforts qu'il faisait. Et on en avait parlé, on se disait, bah tiens, est-ce que tu veux aller la voir et lui dire, écoutez, moi je veux bien faire tous ces efforts dans cette matière, mais faut que je vous le dise quand même, ça a l'air médiocre sur ma feuille, mais je fais beaucoup d'efforts. Et les profs ne le voient pas forcément. Stéphane, je voyais réagir quand on parlait de logique mathématique. Je ne sais pas si tu veux. Alors, ben, oui, parce qu'on se bat un peu avec ça, avec les collègues. Alors, j'ai un excellent collègue qui est didacticien des maths et qui passe un certain nombre de ses cours à essayer de réconcilier les étudiants qui arrivent en première année avec les maths. Pourquoi? Ben, parce que ben, ils ont souvent eu cette impression que les maths, c'était pas pour eux, que ils n'étaient pas dans une logique. Alors, il y a des mots qui sont entendus, hein, dans certaines classes. Certaines fois, les phrases, les propos de collègues marquent plus que des notes, hein, donc bah, ça amène souvent les étudiants à essayer de faire l'impasse sur une discipline. Alors, quand il s'agit, par exemple, des futurs profs des écoles, c'est plus complexe parce que comme ils vont toucher un certain nombre de disciplines, il faut qu'ils soient un peu cohérents partout. Mais ça, ce que disait Juliette, ça fait écho aux travaux de mes étudiants, qui en master notamment, qui lorsqu'ils appréhendent pour la première fois l'écrit scientifique, donc le fait de faire un mémoire de recherche, se retrouvent avec une charge de travail pour eux inimaginable, incommensurable, et certaines fois ça les dépasse parce qu'ils ont l'impression d'avoir travaillé mais énormément et leur écrit se transforme pas aussi facilement. Et c'est dur, c'est violent. Il faut que ça soit extrêmement bien accompagné pour qu'ils puissent. Que disait Juliette, c'était parfaitement réel. C'était qu'il faut qu'ils soient très très accompagnés pour qu'ils puissent continuer cette transformation. Auquel cas, si l'effort n'est pas couronné de succès dans un délai qui leur semble intéressant, ils arrêtent ou ils s'investissent un peu moins. Merci. Vincent? Ouais, je voulais rebondir sur ce qui a été dit pour vraiment ça remet en avant nous un élément qu'on avait essayé de mettre vraiment au centre de notre réflexion en tant qu'enseignant et qui devait se voir en conseil de classe. Donc finalement cette impression de fatalité et de stérilité du conseil de classe, ça nous a amené à réfléchir à finalement la hauteur de la marche. Quelque part entre nous, c'était ça, c'est comment on peut retailler la progression, mais pas seulement de point de repère didactiquement parfait, une progressivité qui serait lue par l'inspecteur, par l'institution. Non, non, il fallait changer de point de vue et se demander finalement comment je peux retailler la bonne hauteur de marche et si possible pour chacun. Alors bon, dans les faits, c'était plutôt peut-être deux ou trois hauteurs de marche, mais et l'idée de faire du conseil à un moment où on peut finalement dire est-ce qu'il a franchi la marche, est-ce qu'il l'a pas franchi, et puis de dire aussi bah peut-être elle était trop haute, peut-être elle était à la bonne hauteur et il n'a pas franchi, mais et basculer finalement d'une appréciation globale qui renvoie finalement à une forme d'évaluation du métier d'élève, donc qui nous intéresse pas tellement, à un ciblage des attentes, et finalement accepter aussi que le conseil de classe, il apparaît à un moment où finalement, il y a des savoirs qui ont été choisis, qui ont été proposés, qui ont été enseignés, et accepter qu'en fait, on va se baser sur ces éléments-là. Et accepter finalement de sortir d'un discours général et d'aller sur, j'ai ciblé nombre et calcul, et dans les nombres et calculs, il fallait faire un tableau de proportionnalité et accepter de discuter à ce niveau-là. Jeanne? Oui, juste ce que mes collègues viennent de dire, ça me fait penser à la question de la temporalité qui est pas du tout évidente pour un enfant, pour un collégien, que ce soit de la sixième jusqu'à la troisième, je trouve. Je ne sais plus la formule, mais je crois que c'est toi, Emeline, qui m'avais expliqué ça, que le temps scolaire n'était pas le même temps que le temps réel. Et en fait, depuis que j'ai réfléchi à ça, je m'en rends compte très nettement, notamment avec les sixièmes, qui n'ont pas la conscience de ce que c'est qu'un trimestre et qui ont l'impression soit d'avoir le temps, soit au contraire que ça a été très long, trop long, qu'ils étaient fatigués, qu'ils ne savaient pas comment faire. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose à propos de la temporalité, et ça rejoint ce que Vincent disait, c'est que je ne compte plus le nombre de fois où je dis aux parents et aux enfants, on est dans un cycle. C'est une étape, c'est un moment donné, une évaluation, ça ne veut pas dire, c'est pas figé dans le temps, ça peut évoluer, ça peut bouger, et la maturité de votre enfant va faire que ça peut varier. On a tendance à voir les indicateurs, que ce soit les notes ou bien les appréciations, comme quelque chose de définitif et de définitivement vrai. Alors qu'en réalité, on sait très bien que parfois, une moyenne est faite avec deux notes. Que certains professeurs travaillent par compétences, d'autres non, et que donc finalement une note, ça veut tout et rien dire. Alors moi, dans un monde idéal, j'adorerais qu'il n'y ait pas de notes. Je ne comprends même pas en fait qu'il y ait des notes à l'école. Je trouve que c'est incroyable d'avoir inventé ça. Mais je pense que pour aucun élève, je ne sais pas ce qu'en pense Léane, mais pour un bon comme pour un moyen comme pour un élève ascolaire, c'est complètement absurde une note. Il y avait Stéphane qui voulait réagir, sauf si Léane, tu veux dire quelque chose avant? Non, alors Il y avait Stéphane. Vincent avant, pardon. Ah, excuse-moi Vincent. C'était juste pour faire le lien avec la période, c'est pour dire que nous, on avait surtout travaillé sur la périodisation et que c'est quand même absurde que le conseil de classe s'inscrive dans un temps administratif, pour pas dire un temps touristique, parce que quand on voit que les vacances d'hiver sont posées avec les professionnels de la montagne, en accord avec les professionnels de la montagne, et qu'elles n'ont absolument aucun lien avec le temps d'enseignement. Voilà, nous on a décidé là aussi de changer, de dire bah, en fait on va faire le bilan, on va faire le conseil à la fin du temps d'enseignement. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est de combien de semaines avez-vous besoin, chers collègues, pour finir votre séquence? Et donc nous allons faire le conseil au nombre de semaines nécessaires, et vous allez vous rajouter une semaine pour la remédiation. Donc on s'est mis d'accord qu'on faisait des conseils entre 7 et 8 semaines, toutes les 7 et 8 semaines par exemple. Voilà, donc on s'est affranchi de ça, parce que rien de pire que de décontextualiser le travail qui a été fait et les résultats des élèves. Et ça vient rejoindre en fait cette intention qu'on avait finalement de dire bah, les résultats qui sont publiés au conseil, ce de quoi on va parler, c'est ce qui a été vraiment fait, et on a accepté d'être très ancré, très contextualisé dans la séquence. Stéphane? Oui, merci. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Jeanne, c'était très intéressant. Effectivement, plein de collègues ne souhaitent pas forcément des notes. Les élèves ne perçoivent pas du tout la même façon d'évaluer. Ils n'ont absolument pas conscience des différentes théorisations évaluatives, hein, évaluation formative, sommative, ça n'a pas de sens pour eux. Ce qui est formatif de leur estime personnelle, c'est le signe, parce que nous, on travaille en signe évaluatif, que ce soit compétence ou note. Et le problème, c'est que les élèves bah, disent je suis 12, je suis 9 sur 20. Donc, c'est la grosse personnalisation, parce que le signe évaluatif marque. C'est la même chose dans le premier degré. On travaille beaucoup avec les inspecteurs qui essayent de faire valoir de l'évaluation positive avec des points de couleur, etc., ou d'autres éléments, des cahiers de réussite, mais c'est pareil. Si je réussis et que j'ai l'attestation d'une réussite en fin de séquence, ça veut dire que j'ai échoué tout le temps, tout le reste du temps. Et le problème, c'est qu'à l'école, il y a un certain nombre de comparaisons sociales, qu'elles soient forcées ou délibérées. Et la comparaison battant à plein, bah les élèves sans cesse vont s'interroger sur leur capacité à réaliser tel ou tel apprentissage. Alors c'est un travail monstrueux, titanesque de la part des collègues, que de déconstruire tout ce mythe autour de l'évaluation qui personnifie. Mais le problème, c'est que, et vous l'avez très, très bien souligné, c'est qu'en équipe éducative, ben, il y a certains qui jouent le jeu, qui rentrent dans les projets, qui arrivent à déconstruire, d'autres qui ne souhaitent pas forcément rentrer dedans, et qui remettent ben, du mythe évaluatif là où il y avait besoin de le faire disparaître. Et alors du coup, rentrons, parce que je pense que tout le monde attend de savoir, dans votre manière de repenser le conseil de classe. Alors avant que vous exposiez, parce qu'on a deux façons de faire, donc ça c'est super, mais on assiste vraiment à un déploiement de différentes manières de repenser. Alors, il y a des établissements qui repensent la remise des bulletins et les temps justement de remise des bulletins et pour en faire quelque chose de constructif. D'autres qui ont installé des ateliers pour les parents d'élèves pour expliciter le bulletin et que ce soit pas uniquement sur la note. Il y a des conseils de classe participatifs, on voit plein de choses. J'avais même discuté avec une chef d'établissement à une conférence qui me disait que dans son établissement, il faisait remplir les bulletins par les élèves. Et les bulletins étaient vraiment vierges et ce sont les élèves qui faisaient le bilan de leur travail justement pour sortir de ce dont parlait Juliette et tous les collègues. C'est-à-dire que je me suis investi comme un dingue dans telle discipline, mais ça ne va pas forcément se voir dans mon bulletin. Bah là, ça se voyait. Voilà. Et donc maintenant, je vous laisse. Je ne sais pas si Versailles ou Créteil veut commencer en premier à exposer la manière dont vous avez repensé les conseils. OK. Ah. Émilie a plus d'expérience que moi, alors c'est peut-être intéressant qu'elle commence parce que moi je suis arrivée en cours de route. Elle peut peut-être présenter le point de départ et puis après on peut se compléter, sauf si Vincent veut commencer comme vous préférez. Bah, il y a Vincent qui se proposait de commencer. Vas-y. Bon, bah, d'accord, je vous laissais la parole, mais pas de problème. Alors, comment on a repensé les choses? Nous, vraiment, la problématique qu'on a voulu vraiment travailler, c'est comment on passe du constat au projet, voilà, de la mise en projet. Comment le résultat est un point de départ, en fait. et un point de départ pour les élèves, pour les parents et pour les enseignants. Donc, les grandes lignes, ça a été finalement changer le contenu, changer l'outil évaluatif. On est passé d'une évaluation par barème notée sur 20 à une évaluation par positionnement sur échelle descriptive, donc évaluation d'items, qu'on pourrait dire de compétences, mais encore une fois, on est resté assez souple sur le concept de compétence, parce que le concept de compétence, il est quand même singulier à chaque discipline. Donc, on a évité le débat. Pour moi, ça, c'est une compétence, mais pour toi, ça, ce n'est pas. Donc, les collègues, on est quand même assez inégaux par rapport à ça. Les textes, quand on sait qu'en histoire géo, ils parlent de capacité, ils ne parlent même pas du mot de compétence. On ne pouvait pas être trop rigoureux sur le concept. On a trouvé un accord en disant, voilà, ce qui a été appris du point de vue de l'élève. Et notre critère, ça a été de dire, sera mentionné dans le bulletin ce que l'élève est capable de dire qu'il a fait. Voilà. Parce qu'on voulait absolument une formulation qui soit lisible et explicite, mais surtout pour l'élève, parce qu'on voulait que la lecture du bilan puisse permettre que l'élève se replace dans l'explication d'un résultat. Voilà. Et ça, comme point de départ, c'était très important. Et puis on voulait aussi surtout un bulletin qui permette aux parents de répondre à la question comment je peux aider mon enfant avec ce papier entre les mains. Voilà. Ça a été la réflexion sur le bulletin. Ensuite, une fois qu'on avait changé ce contenu-là, on s'est demandé finalement à quoi servait cette instance qui était le conseil de classe. On a quand même tous souligné que c'était une instance importante parce que c'était encore à des rares moments où tout le monde se sentait obligé de venir. On pouvait mobiliser les collègues autour d'une table. Ils étaient quelque part, entre guillemets, ils sont rémunérés pour ça au travers des ISO. On a une mobilisation de l'administration qui organise des calendriers. Donc ça, on n'a pas voulu y toucher. Par contre, on a changé les dates. On l'a mis, comme je disais juste avant, on les a placés à la fin des périodes d'apprentissage, et notamment un avant les vacances d'automne et un selon le nombre de semaines, soit avant les vacances on dit de Noël, soit début janvier. Donc on n'a pas eu peur aussi de chevaucher des semaines pour que les collègues ils aient suffisamment le temps de finir leur chapitre. En gros, le conseil de classe, il est en place quand tout le monde a fini son chapitre. Donc maintenant je vais parler de la préparation parce que on n'a pas attendu le conseil de classe pour lancer le travail. La première chose qu'on a fait, c'est déjà former les parents à l'analyse. Donc les fameuses journées de réunion de rentrée, au lieu de faire le défilé des profs qui se présentent en tant que professeur principal, j'avais pris les parents, les mets par îlot, on leur distribue un bulletin type en leur disant voilà le bulletin que vous aurez à analyser dans 6 semaines. Et la question, c'est, voilà, ce bulletin, c'est un élève qui était là il y a quelques années. Comment vous l'analysez et quels conseils vous lui donneriez pour qu'il progresse et comment vous pouvez l'aider? Et la même chose aux élèves lors de la réunion de pré-rentrée, enfin de la journée de rentrée. Voilà. Ensuite, pour le conseil de classe en lui-même, on l'a préparé entre nous en faisant des groupes, des regroupements d'élèves en fonction de priorités dans l'année. Voilà. Donc, on a découpé l'année en 5 périodes et à chaque période avait sa priorité. Et en fonction des priorités, on pouvait comme ça regrouper les élèves par type. Donc, évidemment qu'on retrouvait une forme de hiérarchie en termes de performance, mais ce qu'on voulait faire, nous, c'est objectiver qu'il y a aussi des moments importants et on va mettre la focale sur certains groupes à certains moments de l'année, pour éviter d'être toujours sur le même angle de vue, quoi. Parce que quand on était sur cette approche moyenne, note comparative, bon, à la fin, on a toujours les mêmes groupes, on parle toujours des mêmes élèves et chacun est toujours dans la même place. Donc, un travail sur la préparation des groupes et surtout sur les aspirants aux récompenses. Parce que, alors, on a bien réfléchi et on était assez d'accord pour garder la dimension récompense, notamment pour les élèves les plus performants. Et ensuite, le déroulement, on avait cadré le déroulement. Déjà, oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'on dans les appréciations, évidemment, on proscrit tout ce qui est bavardage, comportement, concentration. Donc voilà, une réunion assez cadrée, mais assez bon esprit, mais assez ferme sur ces 3 points-là, pour dire que le bavardage, mon cher collègue, c'est ton problème. Tu ne vas pas nous le mettre dans le bulletin parce que le conseil, il n'est pas là pour ça. Si tu n'as pas géré, c'est autre chose. La concentration, bah, cher collègue, c'est ton problème. Tu, si t'attends 6 semaines pour dire qu'il n'est pas concentré, bah, c'est qu'il y a, on peut rien faire pour toi. Et le comportement, bien ou mal, ça, c'est pas notre, ça, c'est une condition pour réussir. Donc, c'est pas ça qu'on évalue. Voilà. Donc, une fois qu'on avait cadré ça, on a pu en fait réhabiliter le tour de table, pas sur le ressenti à la perception de la classe, parce que c'est à ce moment-là que se jouait une espèce de consensus mou, une espèce de dénominateur commun pour trouver un accord, quoi. Parce que si le premier collègue il dit ah, cette classe est exceptionnelle, et puis que l'autre derrière il dit ah bah non, elle est catastrophique, bah ça crée une ambiance tout de suite, tout le monde se demande comment il va s'ajuster. Non, non, on voulait juste que le collègue nous replace. Finalement, moi j'ai travaillé ça, c'est ça les compétences que j'ai visées pendant la période, voilà ce que j'ai travaillé. Donc il nous passe un temps à nous vulgariser quelque part, bah, ce qui travaillait, et bah, il y avait de l'attention, c'était quand même assez passionnant, et notamment du point de vue des parents. Et ensuite, quand on a fait le tour de table sur ce qui était attendu, bah, on pouvait traiter les élèves groupe par groupe et les situer à chaque fois par rapport aux attentes, et enfin garder ce rituel de récompense voilà, qui était pour le coup ce qu'on a gardé du format classique. Et puis enfin, l'exploitation, bah, l'exploitation, elle était volontairement de qualité, c'est-à-dire qu'on avait gardé le format de rendez-vous. Rendez-vous 20 minutes minimum. Un parent qui vient pour 5 minutes, mais bah, il viendra plus, quoi. Donc, le parent se déplace, on lui consacre du temps. Par contre, c'est sûr que ça étale un peu les rendez-vous. Et finalement, j'en ai pas eu tant que ça en surplus. Et on a eu beaucoup de rendez-vous par téléphone, en fait, parce qu'avec un bulletin qui détaille bien les items, qui dit ce qui a été réussi et échoué, permet en fait d'avoir un échange à distance, et les parents, ils étaient aussi contents. Je me permets Donc, une question. oui. Pour la remise des bulletins, du coup, c'était toute l'équipe ou comment vous Bah, organisez? là, ça dépendait des périodes. Sur la première, on s'était mobilisé à 3 ou 4 pour placer des rendez-vous. Et puis, au fur et à mesure de l'année, bah, ça s'est fluidifié. Ça s'est assez allégé en fait, mais par contre, on ne faisait pas la soirée jusqu'à 21 h. Ça c'est hors de question. Ça apporte plus rien, c'est aucun intérêt. Donc voilà. Et puis évidemment, les élèves, ils avaient, je sais pas si je l'ai dit, mais ils avaient le bulletin avant le conseil. On faisait une vie de classe avant et on analysait ensemble le bulletin avec stabilo orange, stabilo jaune. Voilà. Point fort, point faible, et les élèves, ils rédigent un objectif de travail. Et le dernier point, finalement, le plus important, c'est après le conseil, on refait un temps de vie de classe classique. Et là, par contre, c'est chacun avec son bulletin, avec les appréciations finales. Et l'élève, il doit rédiger un objectif par discipline et le communiquer à son enseignant, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment le gros point de fierté, c'est de voir des élèves de sixième. Capable d'apprendre et qu'on accompagne bien sûr, hein, à rédiger un objectif qui soit à la fois ambitieux et réaliste, et à beaucoup travailler sur la formulation de l'objectif, quoi. Ça veut dire passer d'un élève de sixième qui dit je vais faire des maths toutes les vacances, absolument irréaliste, absolument faux, je vais me mettre à niveau, à je vais le jeudi à 17 h 30, je sais que j'ai un espace, je vais travailler, je passais 15 minutes sur la partie nombre et calcul parce que c'est sur ce point-là que j'étais insuffisant. Super, merci beaucoup. On verra les effets, les impacts après. Jeanne et Émilie. Voilà, du coup, bah, je vais commencer par expliquer un petit peu d'où on est parti. On a commencé en fait avec une classe coopérative en troisième à mettre en place des entretiens individuels avec l'ensemble des collègues de l'équipe, qu'on a appelé des entretiens conseils ou des conseils entretiens. On avait eu une longue discussion à l'époque sur dans quel sens on mettait les mots, où on recevait le parent ou les parents et l'élève. Du coup, c'était important qu'il y ait vraiment les trois parties qui soient présentes de façon à faire un bilan. Mais c'est l'élève qui le présentait. La parole était vraiment rendue à l'élève. C'est lui qui est scolarisé, c'est sa scolarité. L'objectif, c'était vraiment que ce soit lui qui revienne au centre de tout ce qui se jouait à ce moment-là. Et qu'il agisse, qu'il ne soit pas uniquement spectateur, comme ça peut être le cas dans un conseil de classe, une remise des bulletins classiques. Donc l'élève commence, voilà, fait son bilan, les réussites, les points à améliorer, pour qu'on n'ait pas que du négatif, qu'il y ait du positif aussi, parce qu'on a tendance, c'est très français, j'ai l'impression, à passer très vite sur le positif. Ensuite, on discute. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme engagement? Comme chose, voilà, Vincent le disait, des choses concrètes qui sont réalisables. Et nous, on insistait aussi sur mesurable, qu'on puisse compter, qu'on puisse vérifier, valider qu'on l'a fait. Voilà, 2, 3 engagements maximum sur le trimestre suivant. Et ensuite, la parole était donnée aux parents sur les questions qu'ils pouvaient avoir dans la façon d'accompagner leurs enfants, sur là, c'était une classe de troisième, donc il y avait des questions sur l'orientation, sur le brevet aussi, sur voilà, la façon dont les parents pouvaient accompagner leur enfant, parce que c'est une demande qui revient beaucoup sur de la part des parents. Voilà, et là, j'ai un doute, mais du coup, Evelyne, tu me diras. Quand on a monté la classe de 6e, on n'a pas mis les conseils entretien tout de suite. Il me semble que la première année, on a Non, tenté, c'était d'aller d'avant sur les c'est troisièmes. l'année d'avant, ouais, où on a tenté, du coup, de faire les conseils de classe, enfin, faire le conseil de classe en faisant venir les élèves pour qu'ils assistent au conseil de classe. Et qu'ils puissent, bah voilà, Léane l'a dit à un moment en disant qu'ils n'avaient pas leur mot à dire. Du coup, on avait essayé justement de leur donner ce temps de parole. Et on a été un peu déçus du résultat, dans le sens où, déjà, c'était très chronophage. Ça a pris 3h30. énormément de temps, voilà. Et puis, bah, les élèves n'ont pas osé prendre la parole, en fait. Ils se sont retrouvés plus ou moins, voilà, face à un jury des profs. Et le sentiment de jugement dont on parlait au début de la discussion était très très fort. Et vraiment trop fort pour en sortir un réel résultat, en fait. Alors que pourtant, les collègues avaient été très bienveillants. Voilà, Mais ils les sont collègues. sortis en me disant, mais Madame Portée, plus jamais. Mais Voilà. plus jamais. Et du coup, c'est à partir de Nous, là qu'on a tout recommencé en on a partant tout de leurs recommencé. besoins. Voilà. Voilà, et on est du coup parti sur autre chose. Du coup, je vais céder peut-être la parole à Jeanne, qui l'a vécu en tant que professeure principale et qui, du coup, aura un autre éclairage encore sur la suite. Oui, Vous nous bah, expliquer la préparation, entre autres. oui. Ouais. Je rebondis sur ce que disait Émilie à propos du fait que ce qui est très novateur dans l'approche, c'est le tutorat d'un élève par un professeur qui le suit dans la classe. Et la préparation et la réflexion avec le professeur tuteur pour définir des engagements, et des engagements, comme le disait Émilie, qui doivent être mesurables, concrets et simples, de façon à ce que l'élève puisse dire, est-ce que j'ai réussi à tenir mon engagement? Et donc, en termes de préparation, ça se fait sur les temps de vie de classe, sur les conseils de Emeline, il vaut mieux couper la classe en deux pour avoir des petits groupes et puis si possible ne pas être tout seul. Et moi j'avais créé un document où les trois choses que je demandais aux enfants, c'était de quoi suis-je satisfait ce trimestre, c'est-à-dire quelles sont mes réussites, toutes réussites confondues, c'est-à-dire ça pouvait tout à fait être, alors ils ont beaucoup de mal avec ça, mais ça pouvait tout à fait être, j'ai réussi à aller parler avec des élèves qui ne sont pas dans ma classe, ou j'ai réussi à intégrer un club le midi, comme j'ai gagné 2 points dans telle ou telle matière. Ensuite, quelles sont les choses que j'aimerais améliorer et comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour les améliorer? C'est assez long de les faire accoucher de tout ça. Et en fait, parfois, ça demande 2 heures de vie de classe, parfois trois, il faut un petit peu voir. Et à partir de ce document-là, certains élèves arrivent à formuler des engagements qui, au début, sont quasiment tous, je vais avoir des bonnes notes. Je vais être sage, je vais travailler, je vais me taire. En gros, ils disent des trucs comme ça. Donc là, il faut leur dire, est-ce que ça, c'est mesurable et est-ce que tous les soirs, tu pourras te demander si tu as réussi à tenir cet engagement? Et pour leur montrer qu'il faut vraiment partir sur des choses plus simples. Et quand c'est un petit peu trop difficile de faire formuler l'engagement, Moi, je profitais ensuite du temps de l'entretien pour laisser l'enfant formuler les choses comme il le souhaitait et ensuite l'aiguiller pour arriver à quelque chose de plus concret. Et ensuite, tout ce que je viens de dire, c'était synthétisé sur un document complété par le tuteur et même document qui était repris chaque trimestre. Et comme ça, il y avait un suivi des engagements avec un document relativement, comment dire, assez facile à utiliser, je trouvais, et assez lisible parce que visuel pour les parents et pour les enfants. C'est le type de document qu'on peut aimanter sur le frigo et qui fait moins, qui casse moins l'ambiance qu'un bulletin avec avertissement, travail et comportement. Ça, c'est plus constructif. Et puis, c'est vrai qu'on a, comme on est parti des besoins des élèves après notre tentative de conseil participatif, une des choses qui nous tenait à cœur, c'est que tout vienne des élèves. Et donc, du coup, jusqu'à ce que ça arrive à la maison avec cette fiche, les élèves ne connaissaient pas leur bulletin pour pouvoir s'auto-évaluer. Je ne sais pas si Stéphane, tu souhaites réagir là-dessus ou pas tout de suite. Alors, oui, quelques mots. Donc, j'étais précisé tout à l'heure sur ma première intervention. En fait, dans l'éclairage un peu théorique dans la littérature de l'évaluation, donc on distingue en fait dans les évaluations des fonctions et des démarches. Alors, les fonctions, il y en a trois. Ce sont les fonctions d'orientation. On appelle ça préparer une nouvelle action. Il y a une fonction aussi de régulation, améliorer la fonction en cours, une action en cours, pardon. Et puis, il y a une fonction de certification, certifier le résultat d'une action. Et puis, il y a trois démarches. Il y a la démarche sommative, dans laquelle on met une note, la démarche descriptive, dans laquelle on va essayer d'identifier et d'écrire, et la démarche herméneutique, hein, qui permet de donner un sens. Alors, ce ne sont pas mes propres travaux. Ce sont les travaux de Jean-Marie de Quételet. Et ce qui est très intéressant dans la modification des conseils de classe que vous avez réalisés, qu'ils soient dans l'Académie de Versailles et dans l'Académie de Créteil, ben c'est parce que vous avez finalement modifié les fonctions et la démarche. Alors, vous êtes passé d'une fonction de certification à une fonction d'amélioration de l'action en cours. C'est-à-dire que les élèves choisissaient des objectifs qui étaient réalisables, quantifiables, etc., sur la base de conseils distillés par les enseignants. Et puis, vous êtes passé d'une démarche purement sommative, hein, où on fait la somme des notes. Qui est absolument épouvantable, puisque de toute façon, on ramasse une moyenne avec des choses extrêmement différentes, comme dans plein de disciplines, en mathématiques, grandeur et mesure. On se demande pourquoi c'est une moyenne avec de l'arithmétique, bon, bref. Et vous êtes passé à une fonction plutôt de description, donc vous identifiez, décrire, et certaines fois, vous donnez du sens. Donc, c'est ce que j'aime bien dans cette démarche, puisque finalement on dépasse la fonction première et puis la démarche un petit peu classique sommative. Merci. Et alors du coup, pour tous, quels en sont les impacts? C'est-à-dire que pour les collègues enseignants, quels impacts, pardon, vous avez vu sur les élèves et les familles? Pour Juliette, comment est-ce que ton fils qui a vécu ses entretiens conseils les a perçus? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur sa scolarité? Et Léane, comment tu as vécu du coup ces 2 années de classe entretien conseil? Alors, dans mon cas, si je... Juliette, Tu m'entends? très bien. Il a vécu, tu as été sa prof principale de la sixième à la troisième. Il y a une mise en place à faire, c'est-à-dire que depuis sa première année de maternelle, Simon était dans le rendu. Tu dois bien travailler, tu dois avoir des bonnes notes, et puis tout d'un coup, Emeline Portet est arrivée et on fonctionne plus comme ça. Donc, il y a au moins une année, voire 2 ans, sixième, cinquième, où il y a tout un modèle à montrer, une école à apprendre comment on fonctionne, comment on sait plus donc des notes, ce sont des évaluations. Viens, on discute, on se met à table. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas? Comme disait Vincent, je crois tout à l'heure, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer cette lacune et qu'elle reste concrète? C'est effectivement, tu as des problèmes en anglais, d'accord, mais si une heure par jour, c'est sûr que tu ne le feras pas. 10 minutes, ça semble minuscule, mais vaut mieux 10 minutes réalisables que 1 heure et ce sera pas fait. Donc, il y a un accompagnement. J'ai l'image d'adultes qui poussent les enfants en avant. Et non plus une image de supériorité. Les parents, les profs, ils sont au-dessus des enfants et ces enfants sont grondés. Donc l'accompagnement pour moi, il y a la condition humaine, les sentiments qui rentrent en jeu et c'est beaucoup plus important et l'enfant se sent valorisé. J'ai remarqué avec ça que Simon est devenu beaucoup plus autonome. Il avait plus du tout besoin de venir me voir. Les problèmes, il travaille en commun. Il travaillait pas tout seul. Il travaillait toujours avec d'autres élèves. Donc chaque souci, chaque question, il voyait ça ensemble. Donc aujourd'hui, maintenant qu'il est au lycée, c'est pareil. Cette autonomie, il l'a gardée. On s'implique plus, les enfants s'impliquent plus parce qu'ils ont la conscience ils peuvent faire mieux. C'est pas tu n'as pas fait bien, c'est tu peux faire mieux. Et comment faire mieux? Et ça, j'ai trouvé que c'était très important. Il y a juste une petite parenthèse que je voudrais rajouter. Thomas d'Azambour, pour la communication non violente, disait qu'on n'est plus dans le conflit, mais dans l'accompagnement. C'est pas range ta chambre, va te brosser les dents, t'as fait tes devoirs. C'était non. Ça se passe pas comme ça. C'est comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu vas bien? Où sont tes problèmes? Alors, si tu as des soucis, comment on peut les régler? Et le nœud se délecte. Tout simplement, beaucoup plus facilement, et ce sera beaucoup plus fluide, et l'enfant va évoluer parce qu'il s'implique de lui-même. Ce n'est pas les parents ou les professeurs qui attendent un résultat pour les enfants. D'accord, merci. Il y avait Émilie. Du coup, sur l'impact que ça a pu avoir sur d'abord sur les familles, sur les parents, c'est qu'on les voyait au collège. On arrivait à les faire venir sur les réunions, les réunions, les remises de bulletins classiques. Suivant les classes, on voyait entre 30 et 50% des familles. Parfois un peu plus si le professeur principal les avait toutes contactées par téléphone. Avec les entretiens conseils, du coup, ces entretiens individuels, beaucoup plus personnalisés, au final, on arrivait à avoir entre 90 et 100% des familles suivant les classes. Et du coup, ça, c'était une réelle avancée dans le sens où ça redonnait du sens non seulement pour l'élève, mais aussi pour la famille, et où du coup, à la maison, il y avait une continuité qui n'existait pas auparavant et où sur le suivi scolaire, sur le suivi de la scolarité, sur le suivi des engagements, ça a eu un impact très positif. Et puis sur la motivation des élèves, sur l'implication, je crois que c'est Stéphane qui l'expliquait tout à l'heure, que les élèves, ils sont motivés à faire quand ils savent que ça va, qu'ils vont avoir un résultat, qu'ils vont avoir une récompense, enfin, c'était pas une récompense le terme, mais ils vont faire un effort quand il sera récompensé, quand il va porter ses fruits. Là, avec les engagements très concrets, Jeanne le disait simple, mesurable, où ils peuvent savoir s'ils ont réussi, et bah du coup, ils étaient impliqués, ils savaient qu'ils allaient y arriver. Ou que s'ils n'y arrivaient pas la première fois, on adapterait et qu'ils y arriveraient la deuxième. Et où du coup, ça s'est vraiment ressenti sur leur implication en classe, sur leur implication dans le travail à la maison, sur le fait qu'ils posent des questions pour essayer de progresser. qui cherchent davantage à s'emparer des contenus qu'on leur propose aussi. Et ça change complètement une ambiance de travail. Et toi, Léane, du coup, comment tu as vécu cette transition et passé aux entretiens conseils? Bah, j'ai trouvé vraiment ça plus. J'ai beaucoup aimé ce système-là parce que déjà, on avait une préparation qui nous permettait de fixer nous-mêmes nos objectifs. Le fait qu'on ait des vies de classe avant pour préparer ça, ça m'est, enfin, moi personnellement, ça m'a pas mal aidé de pouvoir mettre des mots sur ce qui me manquait et ce que je voulais améliorer. Et en plus, après, en arrivant aux entretiens, on était déjà préparés. On avait une discussion avec un professeur et avec nos parents. On était donc de nombreux, ça permettait d'être à l'aise. Et aussi, ça, moi, par exemple, ça m'a permis de me trouver des objectifs concrets. Parce que d'arriver à une certaine note, c'était pas forcément ce qui me correspondait. J'ai pu travailler sur des choses qu'on travaille pas, par exemple, au conseil de classe. Par exemple, j'avais beaucoup de stress et ça m'a permis de m'aider. Et aussi, avec cet entretien-là, je voyais à la fin de l'année, j'ai pu voir mon bilan et j'ai vu l'évolution que j'ai eue et ce que j'ai réussi à améliorer. Et c'est particulièrement pour ça que j'aimais beaucoup ce moment-là. Je me permets de réagir parce que j'ai été la tutrice de Léane pendant 2 ans. Et moi, je dirais que ça m'a permis de découvrir mon élève autrement encore que je la découvrais en classe. C'est hyper enrichissant d'entendre, par exemple, une élève en très grande réussite faire son bilan, de voir comment elle analyse les choses et, par exemple, de voir que la gestion du stress, c'est quelque chose qui... Finalement, oui, c'est logique qu'une excellente élève soit stressée et se mette la pression, mais c'est finalement quelque chose qu'on n'aborde jamais. Et c'est vrai qu'avec Léane, ça a été un travail qui m'a aussi apporté à moi pour gérer mon propre stress, parce que on a réfléchi à des exercices de relaxation, à des petites choses toutes simples qui pouvaient être faites au quotidien. Et je trouve, moi, que ça permet de connaître ses élèves sous l'angle de... jeune personne qui se construit plus que comme élève, parce que quand on a la confiance qui est installée, ils osent nous donner les vraies clés de ce qui fait que ça peut coincer. Parce que en miroir de Léane, j'avais un élève qui était en refus de tout, où tous les entretiens conseils de la sixième à la troisième ont consisté, de la cinquième à la troisième ont consisté à un échange de sourires et où l'élève ne me regardait pas et où il n'a jamais pris un engagement. Mais on a quand même réussi, grâce à sa maman, grâce à lui, à comprendre qu'en réalité, la source de tout, c'était le manque de confiance en lui. Et ça m'a permis de me dire, bon, bah, finalement, ces élèves qu'on qualifie de ascolaires, hors système, condamnés à l'échec, etc., c'est des élèves qui ont des problématiques qui sont complètement classiques. Et c'est simplement que c'est des élèves qui ne parlent pas et qui montreront les choses à travers de la violence ou à travers du refus. Et comme habituellement, on ne prend jamais le temps. Là, moi, la chose que j'ai marquée là sur mes notes, c'est un temps pour tous, un vrai temps, 20 minutes maximum, ben 20 minutes où on écoute pendant presque 5 minutes un enfant, et le reste du temps où on échange avec lui, finalement, ce n'est pas très souvent dans le temps scolaire qu'on prend ce temps-là. Vincent? Oui, je confirme, c'était 20 minutes garanties. Si on n'a plus rien à se dire, bah on reste quand même. Pour éviter d'évacuer le dialogue, donc on se regarde, il y a des silences. Pour le coup, on a bénéficié d'une formation à l'entretien. Et c'est vrai que l'usage du silence dans l'entretien pour un prof, c'est pas rien, c'est un vrai apprentissage. Comme le fait de ne pas donner la réponse. Donc, en termes d'impact, moi je dirais que bon, j'ai pas du tout de mesure d'effet, enfin, à part un ressenti puis un partage, mais ce qui est certain, c'est auprès des élèves, un impact positif sur le climat, sur la relation entre eux. Alors ça, je l'attribue peut-être davantage au fait qu'on soit plus dans une logique de notes qui induit une comparaison et qui joue sur le fait que, bah, si mon camarade il a 18, ça veut dire que le gâteau il est le même pour tout le monde, donc j'en aurai forcément un morceau plus petit. Encore plus dans les situations où on sait que sa réussite, elle va impacter forcément la réussite de l'autre, notamment quand il y a un contrôle commun, des choses comme ça. On sait très bien que toute la classe n'aura pas une bonne note, qu'il y a une courbe de Gauss qui va s'installer. Donc plutôt une qualité de relation entre les élèves et puis j'allais dire une forme de comparaison entre eux qui reste, hein, parce que les élèves ils continuent à comparer, ils continuent à moyenner les choses, c'est ça qui est intéressant. Ils installent quand même une forme de comptabilité des résultats. Ils étaient en train de comptabiliser, j'ai eu tant d'acquis, non acquis, et ils moyennaient, mais bon, pourquoi pas. Bah, je pense que là c'est plutôt humain, on peut pas interdire ça non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que la comparaison se fait sur les objets pour le coup identifiables. Si je reprends l'exemple du tableau de proportionnalité, bah peut-être oui, ça me dérange pas qu'un élève dise oui, là sur le tableau de proportionnalité là je suis nul, et je me dis au moins là on progresse, on n'est pas sur je suis nul en maths, quoi, voilà. On n'est pas sur le je suis nul tout court. Donc en resserrant les objets, on pouvait peut-être aussi resserrer et contenir en fait cette approche comparative. Moi c'est plutôt sur l'impact sur les parents que je voudrais mettre en avant, le fait finalement qu'il y ait une peut-être forme de réassurance, qu'on leur redonne des clés, et puis en leur mettant à disposition ce qui a été enseigné, quelque part on les met à un niveau d'expertise, quoi. On les considère comme capables de comprendre. Parce que dans les débats sur le bulletin et la manière de mener le conseil, surtout autour de table, moi, il y a des collègues qui vraiment tiquaient en disant oui, mais s'ils comprennent pas, etc. Et donc on a pris l'option inverse, dire non, justement, l'enjeu c'est de les faire monter en expertise, et les parents demandent que ça. Alors coup de chance, au conseil de classe, c'est des parents délégués qui sont quand même, pour le coup, des parents vraiment atypiques, au sens où ils sont particulièrement engagés. Et là, pour le coup, ça a fait plutôt l'effet inverse, donc une forme de réassurance des parents, et puis aussi un impact sur les collègues. Parce qu'en permettant comme ça de sortir de cette logique de moyenne, en allant vers plus de description de ce que savaient faire les élèves, en pouvant identifier finalement ces fameux groupes, en leur facilitait le travail quand ils voulaient peut-être s'autoriser à différencier, à travailler comme on dit par besoin, enfin j'aime pas trop l'expression, mais... Plutôt l'idée de dire je vais pouvoir différencier de manière assez beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, en disant voilà, ceux qui n'ont pas réussi cet item-là, vous allez faire cet exercice, et ceux qui ont réussi cet item-là, ils vont faire autre chose, et c'est quand même beaucoup mieux accepté, voilà. Mais encore une fois, tout repose sur le changement d'outils évaluatifs. Et enfin, pour finir, ce qui a beaucoup changé en général, mais là c'est l'apparition du comment, ce qui a été dit par Juliette, c'est-à-dire à partir du résultat, on arrête de dire voilà ce qu'il faut faire. Voilà, l'obsession de donner la réponse et la solution. Non, c'est moi j'ai découvert finalement la démarche d'enquête, quoi. Comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et se rendre compte que l'enfant, il a une mémoire incroyable sur l'évaluation qu'il a été vécue, qu'il a perçue pour le coup de manière claire comme une situation évaluative. Il est capable de remonter l'origine et l'explication du résultat. Et ça, c'était assez fou quand même. Expliquer que oui, là, il s'est raté en fait. Donc en fait. Oui, je veux bien en parler, mais là, j'ai juste raté parce que là, ce week-end, j'ai fait autre chose. J'étais chez Tata, j'ai machin. Et c'est vrai que du début à la fin, j'ai rien fait pour que ça marche. Ou alors, à l'inverse, commencer à comme ça à dénouer ce qu'il a mis en œuvre pour qu'il soit performant. Donc, finalement, passer de la réponse à l'enquête, c'est ça, je trouve, le plus impactant dans la professionnalité de l'ensemble de l'équipe. Merci. Et alors Jeanne a commencé à en parler dans sa réponse avant, parce qu'on a parlé de l'impact sur les élèves. Et je voudrais juste finir sur une question sur l'impact par rapport aux enseignants. Est-ce que pour vous, la modification des conseils de classe a modifié les pratiques d'évaluation, la façon de décrire les appréciations sur les copies ou sur le bulletin, peut-être la posture ou les gestes professionnels, alors que ce soit les collègues enseignants, que ce soit Juliette ou Léane, est-ce que vous avez constaté chez vos professeurs ou les professeurs de votre enfant des différences à ce niveau-là? Ou Stéphane, est-ce que, à ton avis, les conseils peuvent influencer ce système d'évaluation ou même la posture des enseignants? Émilie? Alors moi, ça a effectivement questionné sur ma façon d'évaluer. Quand j'ai passé les concours, c'était il y a une dizaine d'années, et c'était le moment où on commençait à remettre les compétences au goût du jour. Mais la façon dont ça m'avait été présenté pendant ma préparation au concours, ça ne me parlait pas du tout. Et du coup, mes premières années d'enseignement, je ne l'ai pas du tout appliqué. J'arrivais pas à m'approprier ce système d'évaluation. Et quand on travaillait sur les classes coopératives, donc au-delà des conseils d'entretien, beaucoup travaillé à échanger avec les collègues, faire beaucoup de travaux de groupe avec les élèves, et ben j'ai trouvé une approche des compétences qui me convenait. Et du coup, à l'heure actuelle, je ne travaille plus et je n'évalue plus que par compétences. Et ça change beaucoup de choses. C'est ce que Vincent dit aussi sur la façon dont ils ont revu le bulletin avec beaucoup plus d'éléments descriptifs, des choses beaucoup plus détaillées. Le fait de travailler par compétences, ça m'amène vraiment à ça. Et puis sur les appréciations aussi, le fait d'avoir les conseillers entretien dans mes appréciations, certes, je mets un bilan, mais j'essaye toujours de donner un conseil sur un point en particulier à retravailler pour l'élève, que ce soit sur la façon d'améliorer ses écrits, voilà, mais vraiment quelque chose de très concret où l'élève va savoir bah, par quoi il commence en fait pour progresser par rapport à ce qu'il a fait avant et pas simplement bah, il faut travailler plus, il faut plus participer, qui sont les conseils qu'on retrouve qui sont très généraux et qu'on retrouve classiquement dans les bulletins. Stéphane? Oui, alors moi j'avais finalement je vais peut-être dériver sur la question, de la question, pardon. Je vais dire deux mots peut-être de pratiques évaluatives qui sont susceptibles d'intéresser les collègues ou qui modifient. On n'est pas si nombreux que ça, certaines fois à l'université, avoir des pratiques un peu différentes. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique qui s'instaure. Avec les étudiants que certains collègues perçoivent, donc après ils sont un peu curieux. Ce qui va organiser finalement ma deuxième question. Et là, n'ayant pas vu tourner ces entretiens conseils, je vous posais la question. Est-ce que s'instaure entre les élèves une nouvelle forme de coopération, ou est-ce que vous avez pu observer on parlait tout à l'heure de comparaison entre élèves, des élèves qui cherchaient un petit peu à s'entraider, à essayer d'atteindre conjointement leurs objectifs ou pas. Voilà, c'était ma question en fait. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de répondre exceptionnellement. Alors, de manière générale, on avait des classes coopératives, donc qu'est-ce qui vient de la coopération ou de l'évaluation, je ne sais pas. Mais sur la préparation des entretiens conseils, oui, j'ai vu de l'entraide, je pense que ce n'est pas forcément évident, et notamment une élève qui était très en réussite depuis la sixième. En troisième, ça ne fonctionnait pas en EPS. Et elle a bloqué complètement parce qu'elle n'avait jamais eu de soucis et de remise en question au moment de la préparation justement de ses engagements pour le trimestre. Et elle bloquait complètement. Et c'est une de ses amies qui, elle, avait des difficultés plus depuis la sixième, elle avait fait deux sixièmes aussi, qui l'a débloquée en lui expliquant tout ce que nous, on avait travaillé depuis des années en disant, non mais regarde, comment tu peux faire? Qu'est-ce qui te bloque? Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais aller voir Madame X, ta prof, peut-être pour lui demander de refaire avec elle ou tu veux t'entraîner avec moi. Voilà. Donc moi, c'est ça que je peux apporter comme témoignage d'entraide naturelle qui s'est mise en place. Peut-être parce qu'ils nous ont vu le faire. C'est-à-dire, comme disait Jeanne, soit on coupait les classes en deux, soit on se mettait à plusieurs adultes avec des anciens élèves qui venaient du lycée, l'assistante sociale, des collègues, là, eu des référentes. Oui, moi, juste Jeanne. à propos de la question d'Emeline et puis de ce que disait Stéphane, à propos de est-ce que ça a permis de changer des choses chez nous, chez des collègues, oui, notamment, moi, une chose que j'aime beaucoup, c'est l'échange qu'on a entre nous sur, à ton avis, comment, en gros, je peux accompagner l'élève, comment je peux le coacher, qu'est-ce que tu en penses Il pense à cet engagement-là, mais j'arrive pas trop à formuler. En fait, vraiment des échanges que j'avais pas jusqu'à présent avec mes collègues, soit se prêter un outil qu'on a utilisé avec un autre élève. Après, dans la façon d'évaluer, j'en suis sûre que même pour les quelques orgueilleux qui n'ont pas voulu le reconnaître, ça remet en question nécessairement. Quand l'élève est abonné à des 2,5, mais que sur son bilan, d'entretien conseil, on voit qu'il a une capacité d'analyse et que il exprime ben, quelque chose qui concrètement permet d'expliquer la raison de ses difficultés. Je pense que même si le collègue, c'est d'ailleurs pas forcément de sa faute si l'évaluation n'aboutit pas à une bonne note, même si le collègue le verbalise pas, je pense que ça nous a tous aidés à nous interroger sur comment on évaluait. Et à propos de c'était quoi l'autre élément dont on parlait? Est-ce que ça modifie les appréciations, les propos, Oui, la mais après, ce que disait posture, je sais Stéphane pas. tout à l'heure, c'était... Ah, est-ce qu'il y a de l'entraide Oui, entre alors oui, il y a de l'entraide un peu sauvage, parce que c'est dans le couloir, moi, que je les entends. Généralement, évidemment, ceux qui ne sont pas scolaires, quand on leur demande de finir leur fiche d'engagement pour la semaine suivante, ils ne l'ont pas faite ou ils l'ont perdue. Enfin, et j'entends qu'ils se disent entre eux, mais attends, mais c'était quoi ton bilan? T'avais dit quoi? C'est quoi tes réussites? C'est quoi tes difficultés? Et donc, bien sûr, ils se mentent bien à eux-mêmes. Et donc, c'est trop drôle de les entendre se dire, mais non, mais tu parles tout le temps. Tu parles tout le temps, t'écris pas ton cours, mais tu peux bien trouver un. Et en fait, ils cèdent. Et puis, il y a l'autre chose, c'est qu'ils constatent qu'ils ont les mêmes besoins. Donc, en fait, c'est hyper flatteur pour eux parce qu'ils voient que même des élèves qui, en termes chiffrés, sont bien au-dessus d'eux, eh ben, ont quand même des difficultés, par exemple, à ne pas passer plus d'une heure et demie sur leur téléphone par jour ou des choses comme ça. Donc, ils se disent, bah, je pense qu'ils se disent, bah, finalement, on est un peu tous pareils et ça les motive pour s'entraider. Après, voilà. Après, le tutorat, moi, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que je trouve qu'on appelle tutorat des choses qui n'en sont pas. Et je trouve que c'est hyper dur de les apprendre à être, de leur apprendre, pardon, à être tuteur et à tutorer, etc. Mais en tout cas, oui, ça les amène vers ça. Émilie? Oui, c'était pour réagir par rapport à l'entraide, où du coup, ils s'entraident aussi, mais comme le disait Jeanne, hein, c'est l'entraide sauvage, hein, ils s'entraident aussi sur la réalisation des objectifs. Moi, j'ai vu des élèves un peu sur deux qui n'hésitent pas à participer en classe, mettre des coups de coude à leur voisin ou l'obliger carrément à lever la main pour lui dire, mais ton objectif, c'est de lever la main au moins une fois, vas-y, et puis la réponse, c'est ça, avec la discrétion caractéristique de nos élèves, évidemment. Ou des élèves qui ont du mal, qui n'ont pas forcément les conditions idéales pour travailler à la maison, ou qui ont du mal à se mettre au travail tout seul, et copains qui disent non, mais viens, on va travailler là, tiens, regarde, ben là, tel jour, on va aller à la bibliothèque et on va travailler un quart d'heure. Après, c'est pas grave, on ira lire, on ira faire autre chose, mais où du coup, ils se motivent en voyant que. Bah, un point sur lequel eux ont des facilités, ils peuvent tirer leurs camarades et puis une fois que le pas il est fait une première fois, finalement, bah, la fois suivante, le coup de coude il est un peu moins violent et camarade il a levé la main plus facilement. Et puis la fois suivante, ah mince, bah, le camarade avec qui je vais à la bibliothèque il est malade, bon bah c'est pas grave, j'ai l'habitude d'y aller, bah, maintenant je vais y aller tout seul. Et où du coup il y a des habitudes qui se prennent et où ils se rendent compte que finalement ils y arrivent, quoi. Léane, toi, est-ce que tu as senti une différence ou pas, tu as le droit, hein, chez tes professeurs, alors que ce soit pour les évaluations, pour les appréciations, je ne sais pas. Bah, chez mes professeurs, oui, bah, avec Madame Morel, par exemple, j'avais parlé justement de mes problèmes de stress. Et donc, c'est vrai que le fait qu'on parle de problèmes qui sont pas forcément liés particulièrement aux notes, aux chiffres, bah, ça permettait à nos professeurs de plus s'adapter. Et donc, ça, ils se sont adaptés à nous et j'ai vu quand même une évolution par rapport à ça. Et Juliette, est-ce que toi, tu as senti une différence par rapport à tes autres fils? Oui, dans le sens où c'est comme du copinage. Simon était, il n'était pas devenu copain avec ses profs, mais il y avait plus cette notion de conflictuel et sévère. Il n'y avait plus de sévérité. Comme on était dans l'accompagnement, il y avait un niveau de stress moindre. Tandis que pour les trois autres enfants, ça a toujours été le rendu, le rendu, le rendu. Il faut faire bien et passe ton bac d'abord, quelque part. Hein, on est toujours là-dedans. Passe ton bac d'abord et puis tu feras des études après, tu feras ce que tu veux après. Que si, avec Simo, c'était devenu presque un plaisir. Enfin, je ne l'ai jamais vu rechigner pour aller à l'école le matin. Donc, c'est. cette dimension d'accompagnement, de présence autre que l'autorité, finalement, aide beaucoup les enfants. Il y a une petite chose, mais peut-être qu'on sort, c'est hors sujet. Je pensais aux troubles neuroatypiques où il y a pas mal d'enfants qui en ont et on n'en parle pas. Et il y a beaucoup d'enfants même qui ne savent pas qu'ils en ont. Et les professeurs non plus n'identifient pas forcément un élève qui va avoir, comme Léane, un stress aigu, un autisme sur la communication, etc. Et parfois, du coup, ça va vouer l'enfant à l'échec, parce qu'il est vraiment différent. Il n'est pas moins capable, il est juste bien différent. Alors, ça sort de vos compétences. Vous devez, vos parents, faire des efforts, enfin, vos professeurs, pardon, faire des efforts sur des enfants différents, mais je pense que ça reste très, très important. Non, mais tu as raison, c'est aussi enfin, c'est vraiment tout le but de tous les collègues qui modifient les conseils de classe, c'est vraiment de s'occuper de l'ensemble des élèves. Alors, c'était passionnant, donc on a beaucoup dépassé le temps qu'on s'était imparti. Stéphane, est-ce que, en conclusion, vous pouvez nous donner des pistes de ce vers quoi on pourrait tendre ou des points de vigilance, je ne sais pas. Alors des pistes, déjà je voudrais faire un petit écho à une petite discussion qu'on a eue avec les étudiants de Master 2 là ce mardi, je vais être bref, qui s'interrogent puisqu'elles passent le concours dans 2 mois et qui, pour certaines d'entre elles, concours de professeur des écoles, je vois un peu un métier où on n'a pas grand-chose à faire à modifier de l'intérieur. Et je suis très heureux d'avoir participé à ce post-cat parce que on voit des pratiques tout à fait différentes. Hein. On voit que les lignes peuvent bouger à l'intérieur du système et que c'est pas du tout figé. Donc justement, je leur proposerai d'écouter des pratiques différentes. Et puis, alors après, pour en revenir sur l'évaluation, je vais insister sur le point central, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet d'étiquetage professoral, c'est-à-dire pour qu'un élève se transforme, il faut absolument qu'il ait confiance dans le fait que son enseignant ou l'enseignant qui l'évalue, quel que soit l'outil, ait la capacité de le voir différemment. C'est-à-dire soit en capacité de sortir de le sortir de cet étiquetage précoce qui a été attribué, peut-être pas par cet enseignant d'ailleurs, mais peut-être par une pluralité de l'équipe. Et si je fais un petit peu la synthèse des travaux là, quand on interroge les élèves, c'est ça qui ressort. C'est-à-dire si les élèves sont persuadés qu'ils ont la capacité d'évoluer et que ça sera pris en compte par l'enseignant, ils feront cet effort. Voilà. Et après, je pense que le fait que dans les entretiens conseils ou dans les modifications des conseils de classe, eh bien, vous introduisez de la description dans quelque chose qui n'est pas descriptif. Et vous donner du sens à des signes évaluatifs. Et c'est ça qui est porteur pour les élèves, c'est-à-dire finalement comment est-ce que je m'en sors de tout ça? Comment est-ce que je peux rebondir? J'ai une difficulté dans une discipline ou j'ai une somme de difficultés. Est-ce que je peux avoir un accompagnement? Est-ce que je peux croire que je vais être accompagné? Et surtout, est-ce qu'on va suffisamment me faire confiance pour croire en moi? Et je pense que la relation enseignant-élève, elle se joue là-dedans, dans cette confiance qui doit se nouer au travers d'un système évaluatif qui, lui, est plutôt froid, brut. Donc, c'est-à-dire, plutôt pour le mot de la fin, c'est croire moins à l'outil qu'à l'enseignant, qu'à l'humain qui tord le système, qui modifie le système et qui en fait un outil, justement. Voilà. Et pas, il se sert pas d'un outil qui est préconçu, mais qui modifie l'outil à sa guise pour en faire un support et pour aider les élèves. Bien, merci beaucoup, merci à tous pour ce riche podcast qui a un peu dépassé l'heure. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci. Merci.